La nudité affriolante de ma femme ne m'émeut guère. Elle ne posera jamais ma vertu. D'autant plus que le prince Hardibédon. Enfin, oui, ce Hardibédon me semble la presser de bien près. Madame Phidias, qu'allez-vous répondre à ce beau jeune homme qui cherche à me ridicoculiser? Ah, est-ce possible d'être ridicule à ce point-là? Hein? Vous ne vous doutez pas que je vous écoute? Qu'allez-vous lui dire?